Bienvenue sur ce premier podcast After Underground. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Perino après son passage sur la scène de l'Underground Comedy Club. Bonne écoute à vous. En vrai, je peux pas écouter de l'ASMR, ça me fout dans un état d'excitation totale. La moindre meuf qui me chuchote à l'oreille un truc, même si c'est je vais te laver les oreilles des cotons-tiges. Ouais, oh, vas-y. Ça marche. Nous allons baisser le son, Caro. Je suis tout seul avec le micro, je ne sais pas quoi faire, je suis très gêné. Comme ça, on va bien t'entendre chuchoter. D'accord. Putain, faut que j'écrive sur les SMR pour le. Ça, je le mets dans mes sujets. J'en profite hein, pour. Parce que des fois, c'est tellement chiant de trouver des trucs où tu dis ah oui, ça, faut que j'en parle. Ouais. Et que là, voilà. Là, tu notes tes idées à chaque fois. Ouais. Dès que t'as un truc, tu dis. Exactement. Et donc, ça, je le mets avec, dans la catégorie, attention. Migrants, pédophilie, cancer, harcèlement scolaire. T'as des catégories. En fait, j'enregistre tout. J'ai plusieurs notes, ouais. Types de notes. Et donc, j'ai une note qui s'appelle Grand Sujet, dans laquelle je note tous les trucs où je me dis ah, il y a des choses à faire là-dedans. Le sujet m'intéresse, mais j'ai pas les vannes. D'accord. Et après, j'ai d'autres trucs. Quand est-ce que tu prends le temps justement de faire ces vannes? Entre 9h et 13h. Ouais. J'ai l'impression que tu présentais une émission de radio. Ouais. 9h-13h. C'est Verino au bureau. Ouais, je me mets sur mon bureau et j'écris tout le matin. Je coupe mon wifi, je coupe mon téléphone et je suis obligé de travailler. Toi, t'es plus cahier ou. Non, je suis ordi moi. Ordi? Ouais. J'arrive pas à écrire à la main, je crois que je suis trop vieux pour ça. Ouais. J'ai trop arrêté l'école il y a longtemps. Maintenant, quand je prends un stylo, les gens ils me demandent des autographes, je fais ah, je vais pas pouvoir. Hein. C'est pour la correction automatique. C'est aussi. Ça, non, ça va, j'étais bon en orthographe. Non, c'est plutôt que juste, moi je passe mon temps à couper des paragraphes, les remettre, les enlever. Ouais. Et ça, sur papier, j'ai pas le truc, je suis pas un génie quoi. Je pense que les gars qui écrivent sur papier, c'est des mecs, ils ont le feu. Ils ont ce feu sacré. Moi j'écris un peu sur papier, mais ah ouais. Je trouve que ça me développe. Beaucoup plus l'imagination sur papier. Ah ouais, que quand j'écris comme drôle. Ça sur le truc. Peut-être alors que moi ça que s'envole vite, l'écriture, au moins j'écris vite sur l'ordi. Peut-être que moi je suis naze justement à ça. C'est peut-être ça. J'écris vite sur l'ordi, toi j'écris. On est en train de se rendre compte à quel point on est nuls tous les deux. Ah oui, c'est ça, mais tu progresses aussi. Ouais, quoi, c'est vrai qu'au début t'écris comme un vieux, c'est vrai, t'as raison. Bon, ça te fait quoi de revenir au 10h? Au 10h, ah bah vraiment, je crois que c'est. Je pense que. Ah non, je mettrais l'Européen devant, mais c'est une de mes salles préférées. Le rapport scène-salle, il est dingue. C'est vraiment, t'as ce truc où t'es à la fois avec les gens et à la fois... ils sont tout prêts, tous. Et en même temps, t'es dans le vide, quoi. J'ai la même sensation qu'à l'Européen. C'est-à-dire que quand tu viens, si t'es pas concentré, si t'es pas bon, bah les gens, ils le voient, quoi. Ils te sentent, il y a ce truc, ils sont tellement là. Et donc j'aime bien ce truc-là. T'es obligé d'être dans la prise de risque. Où les gens sont vraiment tout proches, ouais. Tu vois. T'as ce truc où t'as l'impression d'être avec eux. Ah ouais, et du coup c'est gros kiff de sincérité obligatoire. Ouais. Et voilà, et si t'es pas sincère, t'es nul. Tu alors que tu peux être nul en étant sincère et du coup on voit pas que t'es nul. Tu vois ce que je veux dire? Là, cette salle-là, si t'es généreux, même si ton texte il est pas ouf, ça passe quand même. Les gens sont avec toi. Ouais. Ouais, les gens sont vraiment avec c'est toi. C'est ça, faut juste être généreux. Ça t'impose d'être. T'es obligé d'être de bonne humeur. T'es obligé d'être bien, t'es obligé d'être libre, t'es obligé d'être bien dans tes baskets. J'aime bien. En plus, tout à l'heure sur scène, tu disais que t'as joué plus de 200 dates ici. Ah, c'est ouf. Hein. Mais que personne ne le sait. C'était en 2009, j'ai fait 2009-2010. Une année, je faisais 5 fois par semaine, du mardi au samedi. Mais toi, t'as fait un truc assez fou quand t'as commencé. T'as fait l'Olympia. Ouais, pas trop commencé, là, ça faisait déjà un bout de temps. Ouais. Moi en vrai j'ai commencé, je devrais pas dire que ça fait 15 ans que je fais de la scène parce que vraiment quand tu vois le niveau où je suis en termes de notoriété, tu te dis bah normalement au bout de 15 ans t'es une resta quoi. Mais après le monde a changé depuis, etc. Tu vois. Mais moi j'ai commencé en vrai en 2006, en vrai 2004, toute première sur scène. Ensuite 2006 j'attaque au théâtre populaire, 2007 je monte au gymnase, 2008... je suis au Blanc Manteau et 2009 j'attaque au 10h. Et là je reste et puis après j'ai fait le Temple pendant un an et demi et ensuite l'Olympia en 2013. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, mais il y a eu quoi? On ne demande qu'à en rire entre temps. Oui. En fait, avant même l'Olympia, je vais te dire un secret, ça a été mon moyen de mettre une cartouche discrète pour faire croire aux gens que j'avais le niveau de faire un Olympia. En gros, sur On ne demande qu'à en rire, je faisais pas partie des grosses têtes. Je parle des trois, tu vois, trois, les gars que tout le monde identifie comme étant dans l'émission et que leur spectacle marche partout. Je savais que j'étais pas ça. Malgré tout, je savais qu'il fallait que je réussisse au niveau de la com, le faire. Et comment réussir à le faire? Bah, il faut taper une grosse salle en ayant les moyens d'en parler. Or, j'étais en télé, donc c'était le moment de l'exprimer. Ouais. Et c'était le moment de prendre le pari aussi, parce que j'avais une exposition. Donc voilà, tout a coïncidé. Et du coup, l'Olympia est arrivé comme ça. Mais en vrai, c'était beaucoup trop gros pour moi en termes de. C'est incroyable. Mais ouais, c'est un scandale même, j'aurais jamais dû faire ça. Mais après, l'Olympia, tout le monde peut le faire. Tant que tu payes. Oui, c'est ça. Après, le faire avec des gens, c'est une autre question. Voilà, c'est ça. Et c'est... ouais. Mais nous, on avait trouvé ce petit. Enfin, je dis nous, parce qu'il y avait une équipe. Et puis. Mais l'idée, c'était ça, réussir à faire la place la moins chère possible. On avait fait la place à 19,99€ et tarif unique, c'est-à-dire que premier arrivé, premier servi. D'accord. Et donc les dernières places, c'était les mecs du fond qui se disaient « Ah putain, on aurait dû prévoir !» On aurait dû arriver plus vite, plus tôt. Ouais. Bah, y a, j'ai vu une interview d'une chanteuse qui s'appelle Cara Luciani, je crois. Ouais. Et elle a fait l'Olympia, elle en a fait 3 et elle disait le cachet. Qu'elle a touché pour l'Olympia. Elle a touché 160€. Ouais, bah c'est ça. Moi, je crois que j'ai touché. Je vais pas dire conneries, mais je pense que c'est genre 95 net. Ah ouais, bah ouais. Parce que justement, on se dit, on fait l'Olympia, c'est qu'on va. Ouais, mais en vrai, après, t'arrives à un stade où il y a d'autres trucs. C'est-à-dire, par exemple, l'Olympia, si tu fais le calcul, il y a 2000 places, on a fait 20€ la place, ça fait en gros 40 000€ d'entrée. Il y a des droits d'auteur là-dessus. Ouais. Donc on est plus aux auteurs, mais en vrai, j'ai dû gagner quand même peut-être 1500€ sur la soirée. Enfin, tu vois, ce qui est. À la fois très bien et à la fois pour un Olympia, c'est vrai que voilà, tu t'attends à ce que le mec il parte avec 50 000 sous le bras. Et donc après, je pense que j'ai l'impression qu'on arrive dans une nouvelle ère où les stand-uppers sont plus riches. Tu vois, il y a plus de stars qui gagnent des millions de dollars à notre génération. J'ai l'impression. Ouais, il y a d'autres moyens pour gagner de l'argent, peut-être internet. C'est ça. Oui, on est obligé d'être entrepreneur quoi. Ouais, voilà, là, on c'est fait ça. Plus de Zénith quoi. Il y a Fary qui doit faire des tournées de voilà, trucs énormes ça, comme ça. Il y en a plus beaucoup. Fary, Gad. Ouais. Kev Adams, c'était grosse star de l'humour. Ouais, c'est ça. Dont on veut pas la carrière. Celle de Fary, je veux bien. Ouais. Et encore, ça doit être, je sais pas. En fait, non, j'aime bien ma carrière à moi. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais oui, effectivement. Plutôt... Mais je sais que je veux pas la carrière de Kev Adams. Ouais. je la veux pas. Je détesterais être connu à ce point-là que les de gens. Pas pouvoir sortir. Ah là là, et puis. Il a toujours, je pense qu'il y a toujours des gens avec lui ou toujours des gardes du corps. Tu veux pas aller chez G20 quoi. Moi, je vais chez G20, acheter des couches et des yaourts quoi, tu vois. Il est pour mon fils quoi, parce que c'est la merde et que voilà. Et donc ouais, non, c'est cool. T'as fait aussi, vu que là tu sors de l'Underground Comedy Club, t'as fait l'Inglorious, toi. T'as fait l'Inglorious Comedy Club, ça exactement. L'Inglorious Comedy Club, tu l'as joué ici On a démarré ici, après ici. On est parti au Grand Point Virgule dans la petite salle, Apollo dans la grande, et ensuite Grand Point dans la grande. Ouais. Et. Bah, combien de temps que t'as arrêté? Ça fait un an et demi, ça me manque. Hein. Ouais. C'est cool, tu sais ce que c'est, piloter un plateau, quoi. C'est génial. C'est trop bien, tu rencontres plein de gens, t'es tout avec des potes. C'est ça, en fait, t'as une vie sociale. Voilà, c'est ça. Et c'est en vrai, cool. Nous, on est des solitaires, on joue. Moi, je joue tous les soirs tout seul, donc j'avoue que l'Inglorious, ça me faisait du bien. Là, en vrai, j'ai arrêté parce que la prod de Tania me prend du temps. Et puis j'ai un troisième enfant quoi. Et ça fait ça y est, déjà 3 enfants. Ouais, et en fait la vie elle est finie. Ça y est. T'as plus trop le temps. Ah ouais, non, 3 enfants, mais je vais le refaire. Là on en fait en tournée. On a une dizaine de dates par an en tournée. Et sur Paris, tu penses que ça va revenir? J'aimerais bien. En fait, chaque année je me dis l'année prochaine je reviens. Ouais, c'est ça. Et puis tout passe tellement vite. Là tu parlais de Tania justement, tu produis Tania Dutel. Ouais. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la produire? En vrai, ce qui m'a donné envie, je crois que j'avais très envie de produire quelqu'un. J'avais proposé un contrat. Enfin non, j'avais proposé pas de contrat à Adrien. J'adore son taf aussi. Ça c'est quoi proposer pas de contrat? C'est-à-dire je lui avais dit t'as pas de spectacle donc on va pas te produire, tu vois. Mais par contre on peut te filer un coup de main. Et puis le jour où t'as un spectacle, enfin on est tes interlocuteurs privilégiés, je dis on parce que ma femme et moi on est dans l'équipe. Et on peut te filer un coup de main, je sais pas de quelle manière, mais voilà. Et puis ça s'est pas fait avec Adrien parce qu'on a chacun pris des chemins différents. Et puis du coup, Tania étant elle en première partie assez souvent de mon spectacle, je voyais son travail. En fait, son travail a vraiment évolué d'un coup. Elle est devenue très forte en quelques semaines. Et je me suis dit, peut-être là j'ai un vrai intérêt parce que Adrien, je pouvais juste. J'aurais pas été utile pour lui. Je pouvais juste lui dire je t'aide et tu m'aides à quoi? J'écris des blagues, j'ai pas de spectacle. Tania, je pouvais réellement l'aider à bouffer en fait, bêtement, mais juste lui faire des cachets, louer sa salle. Tout déjà la base, notre intervention faisait que sa vie était meilleure. Et puis derrière, on a progressé nous. Depuis qu'on travaille avec elle, parce que. Vous avez progressé en tant que prod. En tant aussi. Que prod. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé en lui disant on te propose juste le contrat qu'on espère qu'il sera bien pour nous tous. Et puis voilà, et on a grandi ensemble et je crois qu'elle a l'air assez heureuse et surtout je vois comment elle travaille, c'est-à-dire que t'es serein. Quand tu bosses beaucoup et que t'écris des nouveaux trucs tout le temps, c'est que t'es serein. Ah bah oui, c'est ça le secret, parce que souvent je t'entends dire sans travail je suis médiocre. Ouais, c'est vrai. Et moi ça me fait penser au dessin animé One Punch Man, je sais pas si ton, non, si je t'en as déjà parlé, c'est un dessin animé One Punch Man où t'as le héros, il s'appelle Saitama. Ouais. Et il est nul en bagarre, il est vraiment hyper nul en bagarre. Jusque là je m'identifie totalement. Il se fait défoncer par tout le monde, il y a des monstres qui viennent d'une autre planète, etc. Et il le défonce et tout, etc. Mais il meurt pas. Et du coup il se dit, attends, j'ai envie d'être le mec le plus fort du monde. Donc je vais m'entraîner, il s'entraîne à fond, il s'entraîne tellement à fond qu'il perd tous ses cheveux. Ouais. Il est chaud, plus le gars. Personne ne le reconnaît. Plus personne ne le reconnaît, il a une petite cape et il tue tout le monde avec juste un coup de poing à chaque fois. Et du coup, ça l'ennuie, tu vois, ça le fait chier parce qu'il a envie de se battre. Il n'y a plus l'excitation. Il a envie de se battre. Et à chaque fois que je t'entends dire, ouais, bah, sans travail, bah, je suis rien, bah, ça me fait penser à dessin animé. Bah, c'est vrai que sans travail, qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe là-dedans. C'est-à-dire qu'en travaillant beaucoup, j'arrive à réussir des trucs sans travail. C'est-à-dire qu'il y a plein d'impros qui naissent, mais elles naissent sur scène parce que machin. Mais si j'avais pas bossé en amont, j'aurais pas ce petit moment de grandeur, de, tu sais, les lunes sont alignées, les dieux sont avec toi, et t'enchaînes 6-7 vannes comme ça en impro qui défoncent, et tu peux les prendre carrément direct dans un spectacle, mais en fait, c'est les 40 heures de boulot avant qui te font réussir ces 8 secondes. C'est ça. Et dès que j'arrête de bosser, moi je perds la foi, en fait, j'ai plus confiance en moi, j'ai l'impression de monter sur scène en me disant ah, j'avoue, je vous baise un peu. J'ai l'impression de dire aux gens, bon allez, c'est pas honnête. t'as pas le syndrome de l'imposteur Quand je bosse pas. Ouais, quand tu bosses pas. Mais dès que je bosse, non, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que je me pardonne beaucoup aussi. Je pense que c'est. Que tu sais que t'as bossé. Puis tu sais que t'es un imposteur de toute manière, manière générale. En vrai, on est un peu des imposteurs parce qu'on est, on fait un métier qui nous plaît. On est dans un monde dans lequel personne fait ça, on s'est taillé une place à nous-mêmes. Donc au final, c'est un peu normal que de l'avoir, ce syndrome-là. Bonsoir. Et je crois qu'en fait, moi, je me pardonne, quoi. C'est ça le truc. Ouais. J'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais, si je le rate ou si je le réussis, ça n'a pas d'impact. C'est comme ça que t'as moins le syndrome d'imposteur, c'est que les moments de grandeur, tu te dis pas c'est mérité, et les moments de petitesse, tu te dis pas c'est mérité. Tu te dis juste, je fais ce que je propose. Parce que moi, il y a des gens qui viennent te voir en spectacle juste pour être dans les vidéos. Les vendredis sont blindés maintenant. Voilà, c'est ça. Je crois que je suis le mec à Paris qui remplit plus les vendredis que ses samedis. C'est improbable. Et en tournée, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un outil qui me ressemble. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait un truc en sachant pas trop, et petit à petit, je me suis tellement approprié l'outil. C'est-à-dire que cette position, le public derrière, jouer uniquement à l'oreille, pas au visuel, c'est-à-dire que tu vois pas, les gens t'entendent. Y a l'écran géant derrière, donc eux, ils voient le truc, et en même temps, ils sont beaucoup plus proches de toi que quand tu leur parles en étant debout, parce qu'ils ont l'écran géant. Ouais, c'est ça. Donc d'un coup ils ont accès à toutes tes mimiques. Ouais. Toi, ça te casse, ça te fout dans un tout petit écran, et tu dois exister dans ce petit truc. Il y a tellement de contraintes qu'au final j'ai trouvé exactement l'espace dans lequel je m'épanouis vraiment le mieux. J'ai limite plus de plaisir à écrire pour ça parce qu'il y a une urgence, quoi. Enfin, clairement, j'écris le vendredi matin et c'est le vendredi soir qu'on tourne, donc va falloir apprendre le texte. Ah oui, c'est comme ça, c'est vraiment le matin pour le soir. Ah oui, j'écris dans la journée, ouais. J'arrive pas à écrire en amont. En fait, j'ai toujours on verra. Tu vois, on a le temps et tout ça. Et t'as un procrastinateur. Ouais, de ouf. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour être obligé d'écrire. Sinon, moi, je peux avoir un projet de sketch, le sketch de SMR, tu vois, dans 3 ans, tu pourras m'en reparler. Et je te dirais, là, je suis sur le. Il est quasiment. Et puis, il faudra que je le fasse dans une vidéo un vendredi soir, et là, pouf, il existera tout de suite. Pour le prochain podcast, je t'en parlerai. Ah ouais, avec plaisir. Alors, ça en est où ? Alors, et moi, je ferai quoi ? Attends, je vais chuchoter. Moi, il y a un truc, un passage que j'ai beaucoup aimé, l'une des 3 meilleures blagues du monde pour moi, c'est sur le yaourt avec ton fils. Ah ouais, putain. C'est vraiment. Exemple type d'un truc qui m'est arrivé, genre, c'est le vendredi après-midi, je me dis, j'ai envie de raconter un truc d'actu, mais pas que de l'actu, j'aime bien avoir du perso dedans. Et je me dis, putain, il y a ce truc-là, tiens, et je le gratte, et j'en fais un vrai truc, et je le raconte pour de vrai. Et derrière, il fait 17 millions sur Facebook. Et tu te dis, mais il n'aurait jamais dû exister ce sketch. Il aurait dû être ce que je viens de faire là, c'est-à-dire l'histoire du yaourt. et que je le termine pas. Et en fait, ça, les vidéos m'obligent à terminer mais les trucs. Mais ça, tu l'as écrit pour Dis donc Internet, ce passage-là. Ouais. Et maintenant, tu le mets dans ton spectacle. Et non, maintenant, je ne peux plus le mettre, il a fait trop de vues. D'accord. Mais ouais, effectivement, il y a quelques trucs, des fois, de Dis donc Internet qui évoluent, qui finissent par devenir un truc du spectacle. Mmh. Parce que ça m'ouvre aussi le cerveau, en fait, hein, d'être obligé d'écrire chaque semaine. Mais ce truc-là, mais c'est dingue de voir à quel point. Quand je le faisais, il a cartonné tout de suite sur Facebook. Et c'est génial de voir. C'est la première fois que je faisais un buzz. Tu vois, buzz que l'on connaît tous, là, tu fais waouh. C'est ça un buzz. C'est ouf. Qu'est-ce que ça fait? Et puis après, ça s'éteint, comme tous les buzz, donc pas de problème, t'es obligé de travailler tout le temps. Et effectivement, je vois ce truc, je vois l'explosion de la vidéo, et je le joue le soir sur scène, et en fait, les gens riaient pas du tout parce qu'ils la connaissaient, la vanne. Ouais. Et je me suis dit, alors, je peux pas la faire. Là, génial. Là, maintenant, du coup, t'as trois enfants, et si il te reste un seul yaourt. Ouais, que c'est la merde. Bah, je vais chez G20, je t'ai dit. Je vais décocher des yaourts. Merci Verino, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de... Avec plaisir. Bah, d'avoir un cerveau en état de fonctionnement encore quelques années. Parce que j'aimerais bien écrire des spectacles. Hein. J'aimerais bien avoir le temps d'écrire en plus de la vidéo. Là, je suis sur l'écriture du nouveau stand-up et c'est un enfer de trouver le temps pour tout faire. Quoi. Toi, tu veux vraiment écrire un nouveau truc en partir de zéro et... Non, justement, c'est ça mon problème. C'est qu'en fait, ça fait genre 5 ans que je joue ce spectacle et qu'en fait, il n'y a plus rien du début. Quoi. Ah, bah oui, et donc, je renouvelle tout le temps. Ouais. Donc là, non, là, j'aimerais bien pour une fois essayer effectivement de le travailler là. En fait, ma programmation jusqu'à fin décembre, c'est pour travailler un nouveau spectacle qui soit prêt fin décembre. Il part en tournée pendant 6 mois et ensuite, je réattaque septembre prochain sur Paris avec un truc neuf. Pour une fois. Super, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Verino. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, longue vie à l'Underground Comedy Club.